j'étais tellement isolée, noyée dans mes problèmes. J'avais vraiment le désir d'avancer en tandem. On m'a dit, dans la vie on récolte ce que l'on sème. J'ai compris le jour où t'as posé ta main sur la mienne. Mais qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête? C'est la nuit, comme si ça sonnait faux. Dis-moi qu'est-ce qui m'arrive? Je m'éloigne, je dérive, j'en ai demandé trop. Oh si seulement ma route n'avait pas croisé la tienne. La nuit je sens le vide qui m'entraîne. À tous les mots d'amour un remède. Oh, à l'aide. Oh si seulement ta vie n'avait pas changé la mienne. Mais qui pourrait bien porter ma peine? Qui peut soulager mon cœur qui saigne? À tous les mots d'amour un remède.